La cérémonie d'inauguration de l'usine des équipements et matériels de sport de Pyongyang, construite au village de sport de la cité Chongchun, a eu lieu le 7 courant. Y ont pris part Choi Ryong-hae, les cadres intéressés, les militaires bâtisseurs, les scientifiques, les techniciens et le personnel de l'usine. Choi Ryong-hae, président du comité de direction nationale des sports et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a prononcé le discours d'inauguration. Il a dit que l'usine, développée sous l'affection du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, qui ont prêté une profonde attention au développement des sports du pays, est reconstruite à merveille comme centre de production des équipements et matériels de sport du pays, conformément à l'époque de l'économie du savoir, sous la direction éminente du maréchal Kim Jong-un. Il a appelé tous à accélérer l'édification d'une puissance sportive en se tenant à la tâche de programme précisée au 16e congrès du Parti du Travail de Corée, suivant la direction du maréchal Kim Jong-un, et a contribué activement pour faire briller dans le monde entier la dignité et la gloire de la Corée du Sud.